Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1816. It's raining cats and dogs, comme disent les Anglais. Me voici à l'été 1816, où une certaine Mary Wollstonecraft Godwin, 18 ans, est invitée à séjourner près de Genève. Elle s'est enfuie de chez elle avec le poète pas si romantique Percy Shelley. Ils sont toute une bande de jeunes gens modernes là-bas. Et comme il pleut des cordes, la star du groupe, Lord Byron, les invite à jouer à un petit jeu. Chacun doit inventer une histoire de fantôme. Il pleut ainsi depuis des semaines. On va tous devenir fous ici. Personne n'a d'idée à proposer pour passer le temps. Marie, enfin. Non. Elle a raison. Chut. Il y a des sorcières dans le vent. J'ai une idée. Chacun de nous va écrire une histoire. Une histoire de fantôme. Byron écrit à quatre mains une histoire de vampire. Percy Shelley se lance dans un texte qui n'aboutit pas. Quant à Mary, elle doute. Comment serait-elle capable d'inventer sa propre ghost story? Cela dit, elle a lu les Fantasmagorina allemandes, le roman gothique Vatek de William Beckford, et puis, ce qui la travaille, ce sont ses discussions du soir, quand tout le monde est un peu parti. Le physicien Aldini, qui fait revivre les condamnés en leur mettant des électrodes sur le crâne, mais aussi les découvertes récentes du médecin botaniste Erasmus Darwin qui a ravivé de la matière morte. Le corps entier du mort se leva d'un bond et commença de marcher. Extraordinaire. C'est un roman, père. Je sais bien. Atterrissage réussi en 1826. Frankenstein ou le Prométhée moderne. Enfin un bon roman gothique. C'est lui qui est à l'origine de cette pièce venue de Londres qui a l'air d'effrayer le tout Paris. Jean-François Bronstein, philosophe, m'accompagne dans un dîner. Oui, vous avez vu ce livre incroyable de Mary Shelley, Frankenstein, qui vient d'être traduit. C'est tout à fait étonnant. Elle explique que l'on peut fabriquer des vivants à partir de morts, de cadavres. Mais ce qui est très étonnant, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, c'est que c'est quand même la fille de Godwin et de Wollstonecraft, c'est-à-dire le couple des Lumières anglaises, le couple révolutionnaire, le couple progressiste. Or, il me semble que ce livre est quand même une critique de la science et une critique du Prométhée moderne, comme elle l'appelle, qui n'arrive pas effectivement à limiter son désir de connaître et pour qui la science n'amène que ruine, mort et malheur. Effectivement, c'est assez curieux que le personnage principal, c'est-à-dire Victor Frankenstein, hein, ce n'est pas la créature ou le monstre dont tout le monde parle aujourd'hui dans Paris, il semblerait que Victor Frankenstein ait fait ses études à Ingolstadt. Or, Ingolstadt, c'est, vous avez tous lu le livre de Baruel, c'est la ville où vivaient les Illuminati qui seraient à l'origine de la Révolution française. Ah, et moi, je bois à notre ami Mirabeau, qui est trop malade pour être des nôtres. Et on est quand même assez étonné de voir cette femme, bon, elle n'est peut-être pas suffisamment savante, s'élever contre les progrès de la science, de la médecine, de la biologie, qui nous permettraient pourtant d'arriver à fabriquer un homme meilleur, immortel, dénué de maladies. Et c'est plutôt le sens du progrès. De ce point de vue-là, c'est vrai que cette pièce de théâtre a une influence un peu déplorable, je trouve. N'exagérons pas. Et puis Mary Shelley s'est inspirée à ce qu'on m'a dit de la nouvelle Héloïse de Monsieur Rousseau. Ce qui se ressent, paraît-il, dans la description des paysages alpins, mais aussi sur le fond. Ce terrible monstre créé par le docteur Frankenstein et dont elle narre les aventures, n'était-il pas bon par nature? Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. We're about to unfold the story of Frankenstein. It is one of the strangest tales ever told. It deals with the two great mysteries of creation, life and death. Ce que l'on peut dire, deux siècles plus tard, c'est que la créature littéraire de Mary Shelley lui a échappé, comme le monstre du docteur Frankenstein. Et ce, depuis que son double cinématographique a pris le dessus. C'est Boris Karloff dans le film de James Whale en 1931. Une image qui dévore tous les autres mythes et se reproduit à l'infini dans la culture populaire. C'est vrai que ce Frankenstein va prendre la place de tous les mythes anciens de progrès, de révolte de l'homme, de progrès de la science, notamment la place de Prométhée. L'autre grand mythe, c'était celui de Faust, hein, au XIXe siècle. C'est Faust qui vend son âme au diable pour satisfaire ses désirs. Faust aussi va disparaître d'une certaine manière assez rapidement. Et c'est Frankenstein qui va récupérer l'héritage de ces deux mythes essentiels, avec quand même un peu plus de tendance à aller vers Faust, puisque Mary Shelley semble montrer que ce personnage de Victor Frankenstein est un personnage dont l'influence est catastrophique et qui a une œuvre terrible. Et donc c'est une critique évidemment qui apparaît de la science moderne, et c'est comme cela qu'il va être compris. Dans l'imaginaire, Frankenstein ne désigne plus le savant, Dr Frankenstein, mais la pauvre créature sensible, transformée en monstre par le monde qui la rejette, à commencer par son inventeur. Or, ce renversement ferait presque oublier que la grande intuition de Mary Shelley, c'est le mythe d'un savant fou absolutiste du progrès, au cœur des débats actuels. Ce qui est très clair, c'est que dans le livre de Frankenstein, le créateur veut fabriquer une espèce nouvelle qui sera immortelle, qui ne sera plus malade, qui sera plus forte, plus puissante, etc. Et donc, il veut fabriquer un homme nouveau. How about ending death? Wednesday, Google CEO Larry Page announced the formation of Calico, a health and well-being company whose ultimate goal is overcoming human aging and mortality. C'est vrai que depuis une vingtaine d'années, je dirais, Frankenstein est au cœur du débat sur la bioéthique, sur le transhumanisme, sur l'homme augmenté, etc. Puisque, effectivement, certains des savants que l'on connaît sont d'une certaine manière des sortes de Victor Frankenstein. Et donc, c'est ça le problème, c'est que il voudrait bien qu'on oublie cette histoire, mais cette histoire nous met en garde. Et ce que montre bien Mary Shelley, c'est que la science, c'est pas pareil que l'art. Et effectivement, l'art peut créer n'importe quelle créature par l'imagination, des monstres comme des déesses, avoir des représentations de toutes sortes. En revanche, la science n'est pas liée à l'imagination créatrice. La science, c'est l'explication du monde, c'est la recherche des causes, c'est la recherche des lois. La médecine peut améliorer le monde, mais elle ne peut pas le créer à partir de rien. Et donc le savant qui se prend pour un génie de la peinture, c'est une erreur selon elle. C'est une des raisons pour lesquelles Frankenstein va échouer et va entraîner la mort autour de lui, puisque tout le monde meurt autour de lui dans le roman. Mais alors, Mary Shelley, cette fille de progressiste dont on ne comprenait pas comment elle pouvait être contre les Lumières, incarnait en réalité, avec 200 ans d'avance, une pensée éclairée.